Le magnétisme. Le magnétisme est une coloration de l'astral permettant à l'ego de mobiliser dans sa conscience impersonnelle et involutive des facultés de pensée qui ne lui permettent pas nécessairement de voir ce qui se cache derrière la forme. Le magnétisme peut être de différentes formes. Il peut être à l'intérieur d'une pensée, et il peut aussi se situer à l'intérieur de l'individu en lien avec des mémoires. Pour se défaire du magnétisme, l'homme doit apprendre à exiger de son double qu'il lui remette les clés de sa conscience. Quelles sont ces clés? La première clé étant la réalité absolue qu'il ne cherche pas à comprendre ce qu'il vit, mais à saisir et à intercepter dans le rayon de sa conscience lorsque le magnétisme lui fait vibrer dans sa conscience des réalités qu'il ne peut pas voir. La clé la plus importante pour l'homme est de saisir que la vibration de l'astral est un magnétisme puissant qui l'amèneront à se réfléchir. Mais puisque nous parlons de magnétisme, il faut aussi sous-entendre que l'homme peut élever son taux vibratoire un jour et accéder à une conscience plus grande pour défaire ce magnétisme en lui. Et c'est à ce moment que la vibration augmente et que son ego peut intercepter plus facilement les pensées qui l'amènent à nourrir un certain magnétisme. Le magnétisme vient simplement de la réalité que l'homme n'a pas encore connu qu'est-ce que c'était réellement les lois de l'esprit. Et plus il avance dans la compréhension des lois de l'esprit, plus il est apte à intercepter dans son mental toutes les saveurs de l'astral qui veulent l'amener à conditionner sa vie sur un seul rayon. Et ce rayon est éventuellement celui de la mort, puisque le magnétisme de l'homme de croire qu'il est mortel est très très fort en sa conscience. C'est pour cela d'ailleurs qu'il arrive difficilement à reconnaître que tout ce qui le fait vibrer à de l'astral est une façon de ses mémoires qui le noue à de l'âme à le rapprocher d'une pensée astrale ne lui permettant pas de découvrir tôt ou tard ce qu'il doit faire pour comprendre mieux le magnétisme qu'il habite. Le magnétisme étant une vibration très très subtile de l'astral, en ce sens que lorsque vous vibrez à une mémoire, il n'est pas nécessairement expliqué dans cette mémoire ou dans ce rayonnement que vous utilisez dans votre conscience aussi de la mémoire pour vibrer parce qu'il y a à quelque part une mémoire de l'ennui ou du désir de faire vibrer votre conscience à la vie sans nécessairement savoir que ce que vous vivez est nécessairement intelligent. Mais peut-on arrêter le magnétisme du jour au lendemain? Très difficilement, car toutes les pensées possèdent une forme de magnétisme pouvant mettre en vibration votre mental pour le colorer d'une certaine manière, de volontés qui ne sont pas vôtres, mais de volontés qui appartiennent au monde de la mort. Qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme, c'est l'influence très subtile de certaines vibrations qui, tôt ou tard, se cristallisent et établissent dans votre conscience une forme. Cette forme qui amène un comportement de l'ego n'est nécessairement pas perçu par le double qui est en vous, puisque celui-ci est déjà tassé par la volonté de votre ego à vibrer à une forme de la matière qui, en quelque part, vous servira de tremplin un jour pour ramener au-devant de votre vie la vibration du double. Le double sachant très bien que lui, sa capacité à magnétiser l'homme est très faible, en raison que plus vous savez que le double fonctionne sous les lois de la vibration, il ne peut pas se faire passer dans la vibration pour un mensonge. Le magnétisme met en vibration l'âme, alors que la vibration met en vibration l'ego, pour qu'il renoue avec sa propre lumière, sans oublier que le magnétisme est une forme qui colore l'individu dans sa soif de savoir ce qui se passe en lui. Parce que la noirceur aime magnétiser l'homme dans la réalité qu'il craint la vie, et lorsqu'il craint la vie, il ne comprend pas nécessairement le rôle du magnétisme qui surgit dans une pensée pour l'amener à penser d'une certaine manière. Le magnétisme opère de plusieurs façons. Il peut très bien, dans un rêve, vous amener à vivre une telle réalité en lien avec votre capacité de croire que ce que vous rêvez est nécessairement important ou vous appartient d'une certaine manière ou d'une autre. Lorsque l'homme s'aperçoit qu'il est magnétisé par une forme, que ce soit celle de l'argent, que ce soit celle de la sexualité, ou que ce soit celle d'avoir un certain pouvoir sur ses semblables, il comprend très bien que ce qui l'amène à se libérer de ses craintes, c'est strictement sa capacité à lui d'intervenir avant même qu'une forme de magnétisme opère en lui. Le magnétisme étant donc une astralité qui monopolise dans l'ego son incapacité à intercepter le réel ou la provenance de la vibration. Lorsque le double émet une vibration, il ne magnétise pas par la pensée parce qu'il ne peut pas cacher dans l'information quelque chose qui pourrait séduire l'ego à une réalité qui n'est pas sienne. Le magnétisme est donc une forme de séduction très avancée des plans de la noirceur pour vous amener à vibrer mentalement et physiquement et psychiquement à une astralité qu'on veut cacher. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela permet tout simplement à l'ego de se réfléchir et de croire finalement que sa vie est toujours sous l'influence de forces qu'il ne peut pas se défaire ou encore dévoiler. Il n'est pas nécessaire de mettre fin au magnétisme en étant conscient que la forme vous appartienne, car il n'y a rien en réalité qui appartient à la conscience de l'ego lorsque celui-ci devient totalement libéré de la crainte qu'il n'a pas à réfléchir ce qu'il vit, mais à le vivre. Donc, si vous êtes dans une forme d'astralité parce que vous devez la vivre, cette forme d'astralité-là, que ce soit à l'intérieur du couple ou que ce soit dans votre vie en tant qu'être seul, il y est important que vous sachiez que le magnétisme que l'on vous fait vivre n'est pas nécessairement une forme qui doit nourrir dans votre ego la compréhension de ce que vous êtes. C'est plutôt une forme qui doit vous permettre de vous élever un jour en autorité au-dessus de la réalité que vous savez qu'on essaie de vous manipuler de près ou de loin par la pensée astrale ou par des mémoires qui sont mises en vibration en vous par le simple fait que vous êtes un être ou que nous sommes des hommes, des êtres mortels à ce jour. Certes, il y aura dans les années futures des individus qui s'immortaliseront pour ne plus appartenir à aucune forme de l'astral. Mais ce jour vient très lentement car l'homme doit se rapprocher grandement de la réalité que ce qui le colore dans sa conscience est automatiquement une forme de vie qui n'est pas nécessairement pour lui un tremplin à son évolution. Le magnétisme cherche toujours à réduire l'homme au silence d'une vibration astrale, alors que la vibration du double ou de la pensée pure est toujours une énergie qui amène une conversion des énergies dans l'homme pour que son mental s'élève à la réalité qu'il n'a pas à croire qu'il est dans l'erreur lorsqu'il est sur la terre dans un mouvement de conscience qui lui autorise de vivre des formes sans nécessairement croire qu'elles lui appartiennent. Il est très difficile pour l'ego d'arrêter des formes de l'astral parce qu'elles possèdent toujours une forme voilée qui n'est pas nécessairement malhonnête à son égard, mais qui ne l'élèvera jamais dans son esprit à reconnaître que le magnétisme qui opère dans la pensée est toujours pour cacher une forme. Et c'est certain que lorsque l'individu ou l'ego vit cette forme, il peut ensuite, parce qu'il a été magnétisé, se déprécier. Et c'est à ce jeu qu'il est important pour l'homme de savoir que même s'il vit parfois dans sa conscience des astralités qui, en fait, tendent à vouloir le diminuer, ne sont que des formes, finalement, qu'il doit dépasser en conscience. Il est important que l'ego puisse vivre son astralité parce que s'il ne le vit pas, il ne connaîtra jamais l'autorité qu'il doit se donner un jour pour être dans la compréhension absolue que ce qu'il a vécu, finalement, il n'y a rien là. L'astral veut toujours culpabiliser l'homme de vivre des formes qu'il sait lui-même en tant qu'ego qui ne sont pas nécessairement intelligentes. Mais ce ne veut pas dire que parce que ce n'est pas intelligent, que l'ego n'a pas le droit de vivre ces formes parce qu'il est en processus de conscientisation. Donc, il ne faut pas que l'ego s'empêche de vivre des formes. Toutefois, il ne doit pas non plus mettre sa vie en danger dans ces formes et il doit s'assurer que ces formes restent personnelles pour lui et qu'il n'a pas à les communiquer aux membres qui sont près ou loin de lui parce que cela va faire partie encore de l'illusion qu'il ne peut pas vivre sa conscience seule. L'homme peut être magnétisé par des formes astrales sans nécessairement avoir à révéler celles-ci à des individus. S'il peut les supporter seul, il en arrivera un jour à comprendre que cela fait partie du processus de magnétisation de son mental en lien avec sa compréhension de célébrer dans sa conscience le retour de son verbe. Il est très connu que l'astral veut toujours empêcher l'homme d'entrer dans sa parole en le culpabilisant de vivre des formes qui, au bout du compte, ne le grandissent pas. Si l'homme doit vivre des formes astrales, il ne doit pas s'empêcher de croire qu'il est petit à cause de cela. Il doit simplement s'assurer que tout ce qu'il vit en lien avec la magnétisation de son mental pour que des mémoires s'épurent en lui sert uniquement une rébellion qui un jour vient en lui parce qu'il les a vécues, ces formes, en les traversant vibratoirement et non en les subissant par la culpabilité ou par encore le doute ou le regret. La honte étant aussi un sentiment très grand dans l'ego qui peut davantage l'amener à la déconstruction de son être. Ce n'est pas parce que les gens ont vécu de grandes souffrances en lien avec des réalités astrales qu'ils doivent penser que leur vie sera jugée. La lumière ne juge pas l'homme, elle sait très bien que pour traverser des formes de vie anciennes qui appartiennent à des mémoires anciennes doivent nécessairement être brisées un jour. Si on prend des peuples anciens qui vivent encore dans les mêmes mémoires aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement que ces mémoires les magnétisent vers une identité qu'ils croient avoir à défendre, alors qu'en réalité, ces mémoires sont simplement le passé de l'involution et nécessaires à mettre en vibration l'ego pour qu'un jour ils comprennent que ce n'est pas parce que l'on veut suivre un mouvement que ce mouvement est nécessairement intelligent dans le futur. Il y a beaucoup de peuples sur la Terre qui demeurent dans une conscience involutive parce qu'ils n'ont pas la capacité de savoir que tout ce qui appartient à l'homme en tant que conscience astrale ou en tant que conscience collective fait aussi partie du jeu de l'astral pour les amener à être plus facilement magnétisés par des formes collectives. Les peuples auront à vivre des transmutations profondes en lien avec l'identité de reconnaître que tout ce qui s'est passé ne doit plus être magnétisé en eux. Dans le passé, il y a énormément de formes qui conditionnent l'ego à rester petit devant la vie. L'ego est magnétisé à toutes les fois qu'il vit de la réflexion par une pensée astrale. Cette pensée astrale-là a un seul et unique but, de faire vibrer en lui de la crainte et éventuellement du doute en rapport avec son identité pour se culpabiliser d'avoir peut-être nourri une forme alors qu'il savait très bien que l'astral était derrière. Quand l'ego n'a plus de crainte au niveau de l'astral, il peut aller dans l'astral et se démagnétiser lui-même de la forme en sachant que ce qu'il perçoit met en vibration une mémoire en lui qu'il doit un jour ou l'autre faire éclater en la découvrant ou en la dévoilant totalement. On ne peut pas dévoiler ce que l'on ne sait pas si on ne va pas dans la forme. Donc, le magnétisme de l'astral, ou le magnétisme tout court, met en vibration, dans l'ego, l'impuissance. Cette impuissance-là sert à deux choses. Elle sert à créer, entre le mental et les plans invisibles, un lien occulte. Mais lorsque l'ego sait que le lien occulte est astral, il se protège. Il se protège en sachant que ce qui le fait vibrer, c'est de l'astral. Mais aussi, il peut se corriger à l'intérieur de cette vibration-là en sachant que ce qu'il vibre n'est pas nécessairement la réalité de sa vie. Et c'est là que tout se joue. Car supposons qu'une personne est magnétisée par une forme parce qu'elle vit de l'ennui ou encore qu'elle vit de l'incertitude dans sa vie, elle peut aller voir ce qu'il y a derrière la forme pour la dévoiler complètement. Certes, il y a des formes de magnétisme qui ne sont pas souhaitables. L'ego n'a pas à se faire posséder complètement par une forme astrale. Il doit rester vigilant et savoir que ce qu'il fait n'est peut-être pas intelligent aux yeux de l'homme conscient, mais que lui n'a pas à payer un prix parce qu'il n'est pas encore rendu non plus à la vibration de faire cesser une réalité parce qu'il y a trop de mémoire en lui qui vibre à cette réalité. Le magnétisme sert à propulser aussi l'ego vers des formes de vie que lui se donnera. Mais avant que ces formes puissent le nourrir, il faut absolument que les mémoires qui réussissent à le magnétiser dans son mental en lien avec certaines formes puissent être elles aussi totalement dévoilées. Qu'est-ce qu'il y a dans le magnétisme? Il y a dans le magnétisme la capacité à enlever à l'homme de l'identité pour qu'il ne puisse pas reprendre seul le collier de sa grande puissance. Et cette puissance-là, c'est la capacité de savoir que même si on lui fait vivre de l'astralité dans sa conscience, il n'a pas à se diminuer pour celle-ci. Il doit simplement continuer sa journée et regarder où son mental s'en va par la suite, tout en sachant que lorsqu'il met en vibration des formes astrales en lien avec son mental, celles-ci voudront le chevaucher. Et c'est là d'ailleurs que l'homme peut déjouer l'astral par le simple fait qu'il est présent à la réalité qu'il a traitée avec des mémoires qui ont diminué son taux vibratoire, mais que ce taux vibratoire-là n'est pas nécessairement assujetti à de l'astral. Un jour, il y a énormément de lumière dans l'ego pour inverser tout rayonnement de l'astral par magnétisme. Le magnétisme est donc une forme très occulte et avancée qui permet aux énergies des entités du monde de la mort d'exercer un certain contrôle sur l'autorité de l'homme à penser qu'il doit vibrer à quelque part la vie en lien avec son passé, parce que celui-ci est nécessairement ce qui doit le mieux le représenter. Toutefois, le jour où l'homme ne donne pas de valeur au passé, il se permet de vivre ses astralités sans nécessairement leur donner de valeur ou d'importance. Et c'est pour cela que le magnétisme cesse un jour. Quand l'homme arrive à vivre une forme qui jadis a peut-être énormément diminué son taux vibratoire, il peut désormais revivre la même forme sans lui donner l'autorité de croire ou de penser que celle-ci est encore au centre de sa vie. Il sait qu'on le magnétise et le rayonnement de sa conscience permet ainsi à la forme de se sortir de lui en étant simplement un rayon qui ne le pénètre pas, mais un égrégore que lui-même sait qui appartient finement au monde de la mort. Ainsi, l'ego, dans sa puissance objective, en arrive à voir que tout ce qui vient à lui est nécessairement une forme pour le faire vibrer à de la crainte, de la culpabilité, de la honte ou du doute. Être magnétisé quand on est conscient ne veut pas dire ne pas être conscient. Être magnétisé quand on est conscient veut dire qu'on comprend que la nature de l'astral qui nous lie à de la mémoire et à notre passé a encore une portée vibratoire sur la dimension de l'ego ancien ou l'ego qui doit mourir à son astralité pour être seulement vibratoire. Mais ce chemin prend énormément de temps parce que l'ego a vécu des milliers de vies sur la Terre sans nécessairement savoir que le magnétisme est un rayon d'énergie puissant qui arrive à intercepter dans une conscience sa capacité de penser clairement. Lorsque l'ego est magnétisé, il est très difficile pour lui d'arrêter un mouvement. Mais s'il fait le mouvement et il sait très bien qu'on essaie aussi de le pénétrer pour pouvoir ensuite le posséder, il est impossible pour ce magnétisme ou les entités qui se jouent derrière le magnétisme de le posséder. Il laisse certainement entrer la forme en lui qui est au niveau des énergies de la pensée astrale, mais il ne laisse pas l'entité le pénétrer. Et c'est là la grande différence pour l'homme conscient qui veut un jour se libérer de l'astral, c'est qu'il doit traiter avec l'astral d'une façon neutre. Plus l'homme laisse et explore les formes qui le traversent sans leur donner d'importance ou de valeur, il se démagnétise lui-même. En se démagnétisant, il entre davantage dans son double et sa conscience solaire parce qu'il sait qu'indirectement, on a aussi utilisé dans sa conscience des mémoires pour le soumettre à une volonté astrale temporaire qui permettra à l'homme, dans sa parole, de demander à son double ce qu'il vit. Lorsque l'ego est capable de se retourner contre l'esprit et lui dire « Quelle est cette forme de magnétisme ou cette astralité que j'ai à vivre et pourquoi ai-je à la vivre ?» il y aura toujours une réponse claire qui viendra. Et lorsque l'ego n'a pas de crainte en demandant à son double pourquoi est-ce qu'il vit cette forme, il peut rapidement l'amender parce que la vibration du double est obligée de l'éclairer sur la réalité de ce qu'il est. Dans son cheminement ou dans son processus de conscientisation, l'homme s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'il est très très conscient ou qu'il est nécessairement à l'affût de l'ensemble des pièces de théâtre qui doivent se jouer en lui pour en arriver totalement à se libérer de la crainte. La problématique de l'homme est ce qu'il ne connaît pas suffisamment les lois d'énergie et ces lois auront à être arrachées par sa conscience pour voir que le magnétisme provient nécessairement des forces lunaires. Lorsque l'homme est dans une conscience vibratoire, il ne se laisse plus magnétiser. Il est dans un contact absolu avec sa lumière, ce qui l'empêche, par le fait même, d'être assujetti à sa vie planétaire. La vie planétaire est très difficile pour l'homme parce qu'il y a depuis des milliards d'années sur la Terre des forces involutives qui l'ont pénétré. Et ces forces involutives ne le quitteront pas du jour au lendemain, nécessairement. Il y a un travail progressif que l'homme doit faire en lien avec les mémoires qui se présentent à lui et aussi en lien avec les vides qui se présentent aussi à lui au fur et à mesure qu'il avance dans sa conscience. Lorsque l'ego a mis à mort plusieurs valeurs qui jadis le faisaient vibrer à de l'astral, il n'y a plus grand-chose qui peut le magnétiser, sinon que des mémoires en lien avec la conscience involutive de l'homme sur la Terre. Plus l'épuration des mémoires liées aux forces lunaires seront dans l'ego transmutées, plus l'homme sera libre. Cette liberté venant du fait qu'il n'est plus magnétisable par des entités astrales qui voudront se servir de lui à des fins non pas de domination, mais de discréditation de son énergie, alors que cette discréditation-là amène très souvent dans l'ego de la culpabilité. Et plus l'ego regrette un geste ou une réalité vécue, plus son taux vibratoire diminue. Et c'est à ce moment qu'on peut mieux le chevaucher et l'éloigner de sa lumière. Lorsque l'ego est magnétisé par une forme astrale, il doit savoir que cette forme astrale-là est un jeu d'autorité entre lui, sa conscience, son double et tout ce qui appartient au monde de la mort. Le monde de la mort ne veut pas perdre aux yeux de l'homme. Le monde de la mort est un monde qui cherche à se nourrir de l'homme. Par définition, les morts aiment magnétiser l'homme parce qu'ils sont seuls dans leur vie sur les plans et vivent énormément de solitude qui les font souffrir. Ils magnétisent donc la pensée et tente par tout moyen de colorer l'homme, et si celui-ci vibre à de la culpabilité dans le processus de la magnétisation, il peut y avoir ensuite une forme de possession, parce que là, à ce moment, l'ego perd de centricité et ces entités-là se servent de la lumière de l'ego pour se donner l'impression qu'ils ont été utiles, non pas à l'homme, mais à la réalité qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et en pensant pouvoir chevaucher l'homme, ils pensent pouvoir se rendre utiles. Alors qu'en fait, plus une entité magnétise ou tente de chevaucher l'homme, plus elle s'éloigne de son propre devenir évolutif. Le magnétisme est subtil parce qu'il part du fait que l'ego ne sait pas totalement qui il est. Et comme il ne sait pas totalement qui il est obligé de donner de la valeur à ce qu'il vit. Et c'est là que le piège se referme, parce que l'homme donne de la valeur à une forme qu'il sait astrale en pensant qu'il n'est pas évolué parce qu'il a vécu cette forme. Et l'évolution de l'homme ne part pas sur ce qu'il fait, mais bien sur ce qu'il sait et surtout sur l'autorité qu'il développe en lien avec sa capacité de pouvoir aller là où il le veut sans jamais se culpabiliser ou sans jamais douter de lui-même. Il est naturel que l'ego colore sa réalité lorsque on le magnétise et qu'il s'amène non pas par volonté, mais par une certaine réalité qu'il n'a pas le choix de vivre la forme, sinon il en sera davantage obsédé par celle-ci. Et c'est pour cela que lorsque l'homme entre dans son autorité et qu'il sait que le magnétisme peut conduire à une obsession, il décide d'entrer dans la forme et la vivre, tout en s'assurant que celle-ci n'est pas un prix à payer pour quiconque habite ou vit autour de lui. L'astral possède un grand pouvoir sur l'homme quand elle fait vibrer l'ego en lien avec le pouvoir ou en lien avec la déception. Et si cette déception ou ce pouvoir met en contact d'autres consciences, il est assuré que ce contrat-là est astral parce qu'il cherche à magnétiser d'autres personnes selon ce qu'ils ont dans leur conscience à la réalité que vous n'êtes pas celui qu'on dit que vous êtes, ou encore à la réalité que vous êtes astralisé et que cela est nécessairement une réalité de votre vie, alors qu'en fait, ce n'est que le passage nécessaire d'une vibration qui est utilisée pour vous discréditer à l'égard des autres. En ce sens, si l'homme a à vivre une expérience ou à expérimenter une forme pour se défaire du magnétisme, il doit savoir qu'il peut se supporter seul devant l'astral. S'il ne peut se supporter seul devant l'astral, il est possible à ce temps qu'il vive suffisamment de honte ou de culpabilité et qu'à ce moment, il se recroqueville en lui-même et ne saisisse pas que ce qui le fait vibrer à de l'astral, ce n'est pas nécessairement lui en tant qu'ego, mais bien des mémoires qui manifestement proviennent de la vie de l'âme qui doivent être épurées par l'homme dans son ego en tant que conscience immortelle. L'homme n'arrivera pas du jour au lendemain à se libérer de son astral. Et c'est pour cela que le magnétisme de certaines formes ont sur lui une grande possession quand il leur donne de la valeur. La seule valeur que l'homme doit donner à ce qu'il vit est sa capacité de dépasser tout ce qu'on essaie de lui imprégner dans le mental comme étant une réalité absolue. Quand l'homme est conscient, il n'y a rien d'absolu en lui qui peut venir d'ailleurs. Tout part de lui parce qu'il sait que tout magnétisme qui veut le faire vibrer à de la petitesse n'est pas nécessairement pour lui une porte de sortie pour émettre son verbe et dire ensuite qui il est. L'homme, à plusieurs égards, doit tasser et dompter l'astral en lui. La seule et unique façon qu'il peut le faire, d'une façon quotidienne, c'est en sachant qu'il ne doit pas donner de valeur à ce qu'il vit. Lorsqu'il est avec des personnes, il doit toujours s'assurer que sa plus haute vibration soit celle de ne pas dire ce qu'il ne doit pas dire. Le partage d'informations qui vous discrédite en tant qu'ego n'est pas nécessairement reçu vibratoirement par les hommes parce que ceux-ci peuvent être magnétisés à la compréhension de ce que vous vivez ou ce que vous êtes n'est pas aussi grande qu'elle est. Il y a donc parfois des nécessités à vivre seul ce que vous vivez pour ne pas donner d'autorité à l'astral de ceux qui ne peuvent pas savoir qui vous êtes. Le magnétisme est une forme colorée. Il peut vous amener à penser que vous devez vous mettre au même niveau que les hommes. Et cela n'est pas nécessaire parce que l'homme n'a pas à se mettre au même niveau que les hommes. Il a simplement à savoir vibratoirement comment il fonctionne avec les hommes tout en sachant que lui-même, il ne se discrédite pas et qu'il ne discrédite pas l'autre. Le magnétisme étant la volonté de l'astral d'intercepter dans le mental sa conscience solaire. Et tout ce qui rend l'homme assujetti à une forme d'astralité est nécessairement perçu par le monde ou par la société comme étant nécessairement une manière de l'ego de ne jamais pouvoir triompher de lui-même. Si l'homme a à vivre des formes en lien avec des mémoires très précises, il n'a pas à se discréditer aux yeux des hommes. Ainsi, il est préférable que l'homme puisse en arriver à supporter seul ce qu'il vit pour ne pas donner d'autorité à l'astral des psychés qu'il côtoie, parce que celles-ci ne seront pas capables de supporter la grandeur d'une force astrale pouvant pénétrer une conscience pour la tester dans son intelligence ou encore pour lui voiler dans sa missive la grandeur de l'homme. Il est naturel que le Nazarien ou que tous les initiés aient un jour ou l'autre nourri de l'astral, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils le devaient. L'interprétation est la suivante. La Terre est englobée d'astralité. Elle magnétise continuellement la conscience des hommes pour les faire vibrer à des formes servant le monde de la noirceur. Quand vient le jour où l'homme sait cela et qu'il sait qu'une vibration astrale, parce qu'elle le magnétise dans ce corps subtil, à une action, il doit simplement s'assurer que cette action ne le discrédite pas. Il est donc important pour lui que s'il a à vivre une forme, qu'il la vive seul et qu'il en perçoive toute l'astralité en vibrant nécessairement à la réalité qu'on essaie de le tromper. Lorsque l'ego vit une forme et qu'il ne s'empêche pas de la vivre, même s'il se sait magnétisé, il peut intercepter dans cette conscience la réalité que tout ce qui appartient à la Terre n'est pas nécessairement intelligent, mais que ce n'est pas non plus à lui d'inverser l'énergie qu'il y a sur la Terre, parce que pour le moment, cette Terre est encore sur les prises ou sur l'autorité de certaines formes de vie qui ont nécessairement à habiter la Terre. Par exemple, une personne qui va assister aux funérailles n'a pas à le faire pour elle-même si elle sait qu'elle doit y assister pour simplement comprendre le jeu du magnétisme qu'il y a dans une salle pour voir à quel moment on veut le mettre dans un état d'une vulnérabilité pour qu'il pleure et qu'il se sente dépassé par les événements qu'il vit. En ce sens, il est très possible que les événements que vous viviez en lien avec la collectivité lors de certains funérailles aient à vous mettre en vibration avec votre propre autorité pour aimer l'homme et faire vibrer dans votre mental dans un lieu où l'astral tente de magnétiser certaines consciences, leur autorité. C'est ainsi que vous pouvez facilement vous retrancher dans votre solitude et votre conscience pour savoir que ce que l'homme vit est nécessaire, mais pas nécessairement utile à votre conscience. Pour se démagnétiser complètement du jeu de l'astral, l'homme doit savoir que ce qu'il sait, ce n'est pas important pour les autres, mais que pour lui-même, cela fait partie de sa capacité à toujours être un pas devant. Le magnétisme veut faire sombrer l'homme, et il peut faire sombrer l'homme du moment que l'ego ne sait pas que tout ce qui vient de l'énergie d'une manière à le faire vibrer à une réalité émotive peut aussi l'amener à être chevauché ultimement s'il donne trop de valeur à ce qu'il vibre émotivement. La conscience de l'homme en lien avec le magnétisme est de savoir que le magnétisme possède des énergies faisant vibrer son mental inférieur à de la mémoire. Cette mémoire étant tout ce qui recoupe le monde évolutif des âmes, parce que le magnétisme exercé par le monde de l'âme sur un ego est toujours plus grand dans l'ego que le savoir. Lorsque l'ego sait, le magnétisme cesse, parce que l'homme exige de la part du double cosmique d'être totalement informé de la vibration qu'on a pu lui transmettre par la pensée astrale, ou encore par des énergies environnantes nourries par des entités du monde de la mort. Tous les lieux sur la Terre possèdent un magnétisme. Ce magnétisme étant construit sur les émotions cristallisées qui ont amené dans des lieux des mémoires à faire vibrer la matière. Il n'est pas pour rien que dans des cimetières, il y a des énergies très lourdes et très denses, tout comme des lieux de perdition où il y a dans ces lieux énormément de densité mémorielle liant l'âme et l'ego à de la destruction. Vous ne pouvez donc pas écouter de la musique à la maison sans oublier que celle-ci peut, par un certain magnétisme, faire vibrer en vous une forme astrale ou une autorité quelconque. Il y a dans chaque mouvement et son des énergies. Autant les jeux vidéo, la télévision ou le monde de l'Internet possède sur l'ego certains magnétismes. Et ce qui colore bien souvent l'astralité est la capacité de placer un pouvoir occulte dans la forme. Il n'y a pas de réseaux sociaux tels Twitter, Facebook et autres qui n'opèrent pas sous les lois du magnétisme. Une personne peut très bien facilement se réveiller dans la nuit et envoyer un message haineux à une personne parce qu'elle aura été magnétisée par des énergies la poussant à discréditer l'énergie qui la pénètre par osmose. En étant dans cette vibration-là, elle ne sait pas que ce qui magnétise sa parole, c'est tout simplement une coloration de son mental pour justifier une action ou encore discréditer l'homme. Il faut être très vigilant avec la technologie parce que celle-ci a un pouvoir de magnétisme puissant qui s'exerce jour et nuit. Il est idéal de savoir que le Wi-Fi et toutes les énergies environnantes dans un lieu sont également des formes de magnétisme. Par contre, lorsque l'ego est informé qu'il y a dans un lieu de l'astralité, il peut très bien s'en protéger en étant très conscient que son aura sera toujours plus grande que le magnétisme du moment qu'il sait où il se trouve et où il se place dans un environnement. Ainsi, le magnétisme est une forme très, très dérisoire et très cachée pour amener dans l'ego des formes subtiles de manipulation. Ce qu'on cherche à manipuler en lui, c'est nécessairement la réalité qu'il est un être manipulable. Mais lorsque l'ego choisit consciemment de laisser aller une forme en lui, cela ne veut pas dire qu'il est manipulable. Cela veut dire qu'il sait qu'il a exploré une forme sans se discréditer, car s'il se discrédite, il saura d'ailleurs qu'il a été manipulé et magnétisé par des entités qui ont tassé dans sa conscience sa lumière. Ainsi, il ne faut pas que l'homme donne d'autorité à tout ce qu'il vit, mais il doit simplement donner de l'autorité à ce qu'il sait et pourquoi il doit vivre une réalité afin de l'explorer et de la faire cesser du moment qu'un jour son taux vibratoire est plus élevé et qu'il n'a pu à nourrir une telle forme parce qu'il n'appartient plus d'aucune manière à cette forme, soit par magnétisme, par mémoire et par vibration. Il sait très bien que tout ce qui doit venir à lui, ce n'est pas le mensonge, mais le dévoilement absolu de la forme qui cherche à le manipuler d'une façon ou d'une autre dans son verbe, sa psyché et sa conscience. Le magnétisme peut être d'une coloration astrale ou d'une coloration mentale, c'est-à-dire vibratoire en lien avec le développement d'une conscience. Lorsqu'il est astral, il se passe toujours la même chose en général. La pensée réfléchit dans le mental de l'ego une réalité qui ne lui permet pas de saisir sur le tas qu'on essaie de le manipuler. Par exemple, si vous prenez la cyberdépendance de certaines jeunes personnes en lien avec les jeux vidéo, il y a cette capacité de l'astral de se saisir de l'ego pour le mener à une volonté autre que la sienne. À ce moment, il est clair que le magnétisme de l'astral qui agit sur l'ego ne lui sert pas. Par contre, lorsque nous avons un magnétisme vibratoire, cela veut nécessairement être rattaché bien souvent à la parole, puisque c'est dans cette énergie-là que le mental humain est mis en vibration. Le magnétisme peut aussi être au niveau des énergies. Par exemple, un aura qui est très puissante attirera d'autres auras vers sa conscience. Nous avons bien souvent les gourous qui ont une capacité énergétique de séduire chez l'ego les dimensions occultes de son ego en lien avec ce qu'il ne sait pas. Donc, par construction négative, c'est-à-dire la négation de soi, l'ego donne de l'autorité à celui qui a un plus grand magnétisme. Cela va de soi. Le magnétisme représente une loi d'énergie qui amène l'ego à vouloir se soustraire à sa propre autorité pour être sous l'influence ou la réverbération d'une autorité qui lui apparaît plus grande ou plus réelle que la sienne. Dans le cas d'un magnétisme vibratoire, où l'ego reconnaît que l'autre conscience est intelligente, il n'y a pas de subordination possible. Toutefois, il est possible qu'une conscience donne de la valeur à l'intelligence de l'autre plus qu'à la sienne. À ce moment, on peut encore parler d'un magnétisme astral, parce que la conscience de celui qui donne plus d'autorité à l'autre ne se permet pas elle-même d'être dans sa propre autorité et de savoir ce qui se passe en elle. À ce moment, elle joue donc le jeu de la polarité parce qu'elle donne à l'autorité de l'autre une dimension vibratoire qui lui autorisera de parler au-dessus de elle. Lorsque une personne se conscientise, il est intéressant de remarquer que pour ne pas être magnétisée, elle doit être en vibration avec l'intelligence et non se mettre en vibration sous l'intelligence de l'autorité de l'autre. Lorsqu'une personne se met en vibration avec l'intelligence, elle peut simplement reconnaître que de la lumière, ça ne se passe pas et qu'on ne peut pas la réfléchir. À ce moment, la personne est un réceptacle d'énergie neutre. Elle n'accordera pas à la fin d'une rencontre de l'importance à l'autre parce qu'elle saura que ce que l'autre a dit était nécessairement quelque chose qu'elle devait entendre en lien avec son taux vibratoire pour lui permettre un jour de se déplacer plus grandement dans le temps et d'aller vers des prises de conscience plus rapides. Donc le magnétisme vibratoire n'est pas nécessairement un manque à gagner pour une personne, parce qu'il lui permet rapidement de transcender certaines formes et certaines mémoires qui jadis l'auront gardé plus puissamment dans une conscience involutive. Le magnétisme est souvent un problème de conscience, car il peut engendrer dans une conscience une dépendance à de l'astral sans que cette conscience ne puisse en dévoiler totalement la réalité. Cette réalité étant souvent en lien avec des mémoires et des formes pensées qui amènent l'ego à s'assujettir à des formes de conscience ou à des structures de conscience qui ne sont pas nécessairement vibratoires. Et comment une personne peut détecter le manque de vibration dans une conscience qui le magnétise? Simplement en regardant l'identité qu'elle ne peut se procurer à travers la conscience de l'autre ou encore en lien avec une activité personnelle. Si l'on prend une personne qui joue à des jeux vidéo pendant 2-3 heures, il n'y a peut-être pas de problème de ce côté-là parce qu'elle se permet dans une exploration de sa conscience de générer de l'énergie en lien avec le jeu qu'elle joue pour vibratoirement se rendre beaucoup plus libre un jour de la forme. Parce que il ne faut pas penser que tout ne sert pas, tout sert. Et c'est là que lorsque la personne comprend que ce qu'elle fait permet un tremplin, elle n'est pas assujettie à un magnétisme. Mais il faut savoir être fin et reconnaître à quel moment la vibration cesse et être capable aussi d'accepter qu'une fois que la vibration est terminée, nous n'avons pas à y retourner pour satisfaire l'ego dans son ennui. Il est improbable que le magnétisme devienne pour une personne quelque chose de plus grand que lui s'il est capable d'exiger dans sa conscience d'avoir toujours une autorité plus grande sur sa vie que la forme. Car le magnétisme est souvent dans la forme en interpellant l'ego dans son incapacité à saisir que tout ce qui vient des énergies peut aussi être une forme de manipulation. La manipulation en ce temps provient nécessairement dans un magnétisme astral des plans de la noirceur et des plans de la mort. En ce sens, il ne faut pas rester piégé à la réalité que le monde de l'astral n'essaie pas de manipuler l'homme. Le monde de l'astral a pour capacité de magnétiser l'ego dans le sens qu'elle le veut bien. Et c'est à ce moment que le jeu de l'esprit doit entrer et que l'ego doit questionner ce qu'il vit en rapport avec les formes qu'on lui présente pour ne pas, avec le temps, être assujetti à une forme. Aussitôt que l'ego est assujetti à une forme, il n'est pas en mesure de redonner à sa conscience la liberté qu'il se doit pour entrer dans sa propre intelligence et inverser le processus qui l'a amené à un magnétisme. Le magnétisme est donc une manière de voir la vie sans nécessairement comprendre les énergies qui jouent derrière le magnétisme. Car on peut donner de l'importance à une personne, mais si on lui donne une certaine importance, il faut savoir aussi l'importance que nous ne donnons pas en lien avec cette personne. Et c'est pour ça que le magnétisme ne doit pas être une constatation mentale, mais une vibration pour saisir quelle est la réalité de l'énergie de l'autre sur sa propre énergie. En ce sens, est-ce que c'est l'intelligence qui nous met en vibration avec le magnétisme de l'autre ou c'est simplement les énergies de l'aura en lien avec l'âme sur le plan astral qui essaient de séduire l'ego à une réalité plus petite que la sienne? Parce que lorsque l'ego est magnétisé, il ne sait pas nécessairement comment se défaire de ce magnétisme jusqu'à ce que son taux vibratoire augmente et qu'il lui permette de saisir la réalité urgente que l'autre n'est pas là pour le posséder, mais qu'il est bien et bien là pour le mettre en vibration à l'intérieur de sa propre conscience, à des réalités insubordonnées en lien avec la vibration d'un mental qui doit coordonner dans sa conscience les activités de l'astral sans s'y soumettre totalement. Donc, si l'on regarde le principe du magnétisme, il y a donc un jeu qui se joue. Et ce jeu est implicitement lié à la capacité de l'ego de saisir ce qui le met en vibration. Et lorsque l'ego réussit à percevoir clairement ce qui le met en vibration, il ne s'assujettit plus à la forme parce qu'il ne lui donne pas d'autorité et c'est à ce moment-là qu'il est libre du magnétisme.